Lettre A du dictionnaire des idées reçues. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Lettre A. Abélard. Inutile d'avoir la moindre idée de sa philosophie, ni même de connaître le titre de ses ouvrages. Faire une allusion discrète à la mutilation opérée sur lui par Fulbert. Tombeau d'Héloïse et d'Abélard. Si l'on vous prouve qu'il est faux, s'écriez « Vous m'ôtez mes illusions !» Abricot. Nous n'en aurons pas encore cette année. Absalon. S'il eût porté perruque, Joab n'aurait pu le tuer. Nom facétieux à donner à un ami chauve. Absinthe. Poison extra-violent. Un verre et vous êtes mort. Les journalistes en boivent pendant qu'ils écrivent leurs articles. A tué plus de soldats que les Bédouins. Académie française. La dénigrer. Mais tâchez d'en faire partie si on peut. Accident. Toujours déplorable ou fâcheux. Comme si on devait jamais trouver un malheur une chose réjouissante. Accouchement. Mot à éviter. Le remplacer par événement. Pour quelle époque attendez-vous l'événement ? Achille. Ajoutez « au pied léger ». Cela donne à croire qu'on a lu Homère. Actrice. La perte des fils de famille. Sont d'une lubricité effrayante, se livrent à des orgies, avalent des millions, finissent à l'hôpital. Pardon, il y en a qui sont bonnes mères de famille. Adieu. Mettre des larmes dans sa voix en parlant des adieux de Fontainebleau. Adolescent. Ne jamais commencer un discours de distribution des prix autrement que par « jeunes adolescents », ce qui est un pléonasme. Affaire, les. Passe avant tout. Une femme doit éviter de parler des siennes. Sont dans la vie ce qu'il y a de plus important. Tout est là. Agent. Terme lubrique. Agriculture. Une des mamelles de l'État. L'État est du genre masculin, mais ça ne fait rien. On devrait l'encourager. Manque de bras. Aïe. Tue les vers intestinaux et dispose au combat de l'amour. On en frotta les lèvres de Henri IV au moment où il vient au monde. Air. Toujours se méfier des courants d'air. Invariablement, le fond de l'air est en contradiction avec la température. Si elle est chaude, il est froid, et l'inverse. Airain. Métal de l'Antiquité. Albâtre. Sert à décrire les plus belles parties du corps de la femme. Albion. Toujours précédé de blanche, perfide, positive. Il s'en est fallu de bien peu que Napoléon en fît la conquête. En faire l'éloge, la libre Angleterre. Alcibiade. Célèbre par la queue de son chien. Type de débauché. Fréquentait Aspasie. Alcoolisme. Cause de toutes les maladies modernes. Voir absinthe et tabac. Allemagne. Toujours précédée de blonde, rêveuse. Mais quelle organisation militaire. Allemand. Peuple de rêveurs. Vieux. Ce n'est pas étonnant qu'il nous ait battus, nous n'étions pas prêts. Ambitieux. En province, tout homme qui fait parler de lui. Je ne suis pas ambitieux, moi. Veut dire égoïste ou incapable. Ambition. Toujours précédée de folle quand elle n'est pas noble. Amérique. Bel exemple d'injustice. C'est Colomb qui la découvrit et elle tire son nom d'Amérique Vespus. Sans la découverte de l'Amérique, nous n'aurions pas la syphilis et le phylloxéra. L'exalter quand même, surtout quand on n'y a pas été. Faire une tirade sur le self-government. Amiral. Toujours brave. Ne jure que par 1000 sabords. Androclès. Citer le lion d'Androclès à propos de Dompteur. Ange. Fait bien en amour et en littérature. Anglais. Tous riches. Anglaise. S'étonner de ce qu'elles ont de jolis enfants. Antéchrist. Voltaire. Renan. Antiquité. et tout ce qui s'y rapporte. Poncif, embêtant. Antiquité, les, sont toujours de fabrication moderne. Aplomb, toujours suivi de infernal ou précédé de rude. Appartement de garçon, toujours en désordre, avec des colifichets de femmes traînant ça et là. Odeur de cigarette, on doit y trouver des choses extraordinaires. Arbalète, belle occasion pour raconter l'histoire de Guillaume Tell. Archimède, dire à son nom, Eureka, donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Il y a encore la vis d'Archimède, mais on n'est pas tenu de savoir en quoi elle consiste. Architecte, tous imbéciles, oublie toujours l'escalier des maisons. Architecture, il n'y a que quatre ordres d'architecture. Bien entendu qu'on ne compte pas l'égyptien, le cyclopéen, l'assyrien, l'indien, le chinois, le gothique, le roman, etc. Argent, cause de tout le mal. Auri sacra fames, le dieu du jour, ne pas confondre avec Apollon. Les ministres le nomment traitement, les notaires émoluments, les médecins honoraires, les employés appointements, les ouvriers salaires, les domestiques gages. L'argent ne fait pas le bonheur. Armée, le rempart de la société. Arsenic, se trouve partout, rappelait Madame Lafarge. Cependant, il y a des peuples qui en mangent. Art, ça mène à l'hôpital. À quoi ça sert, puisqu'on le remplace par la mécanique qui fait mieux et plus vite. Artistes, tous farceurs. Vanter leur désintéressement. Vieux. S'étonner de ce qu'ils sont habillés comme tout le monde. Vieux. Gagnent des sommes folles, mais les jettent par les fenêtres. Souvent invités à dîner en ville. Femme artiste ne peut être qu'une catin. Ce qu'ils font ne peut s'appeler travailler. Aspic. Animal connu par le panier de figues de Cléopâtre. Assassin. Toujours lâche, même quand il a été intrépide et audacieux. Moins coupable qu'un incendiaire. Astronomie. Belle science. N'est utile que pour la marine. À ce propos, rire de l'astrologie. Athée. Un peuple d'athées ne saurait subsister. Auteur. On doit connaître des auteurs. Inutile de savoir leur nom. Autruche. Digère les pierres. Avocat. Trop d'avocats à la chambre. Ont le jugement faussé. Dire d'un avocat qui parle mal, oui, mais il est fort en droit. Fin de la lettre A. Enregistrée par Ezoie, en Belgique, en septembre 2008.